Chapitre 15. L'enterrement. Jane, le premier élan de chagrin passé, ne voyait plus que les tristesses de sa position. Elle ne savait ce qu'elle devait faire. Elle se fiait bien implicitement à Dieu, à la lumière dont son mari, avant de s'en aller, avait parlé. Mais ne soyons pas sévères pour elle, si dans ce moment d'amère désolation, elle se laissait presque aller au désespoir. Entre les larmes versées sur celui qui avait partagé ses peines et ses joies, les inquiétudes sur l'avenir de ses enfants, la détresse pécuniaire et les embarras qui la suivent, elle vit s'écouler la longue nuit de Noël. Elle était calme en présence des autres, mais c'était le calme d'un cœur brisé. Le matin, elle se disait « Comment supporterai-je cette longue journée ?» Le soir, elle se répétait « Comment pourrais-je passer la nuit ?» Elle se tournait en gémissant sur son lit. Elle se promenait au milieu de l'obscurité de sa chambre. Elle s'agenouillait pour raconter à Dieu ses tribulations. Et quand venait le jour, elle était calme. Une fois seulement, elle se laissa aller à toute sa douleur. Ce fut la veille de l'ensevelissement. Patience, tout en sympathisant avec elle, lui parlait raison. Il lui était impossible à Jane de lui cacher ses embarras pécuniaires, aussi il lui en fit-elle l'aveu le plus complet. « Si tu peux garder la maison et conserver tous tes enfants avec toi, tu pourras avoir de meilleurs jours. Ne te désole pas ainsi. »« Oh, patience, c'est précisément le loyer de la maison qui m'inquiète. Je ne vois pas ce que je puis faire pour le payer. »« Le mobilier t'appartient. Ne pourras-tu pas louer deux ou trois chambres ?»« J'y ai pensé, » supéra Jane. « Mais en admettant que je puisse payer de la sorte mon loyer, avec quoi vivrons-nous ?»« Tu pourrais occuper ton temps. Tu peux coudre. » Sais-tu faire les robes ? Non, je ne sais les faire que pour Jenny et moi. Cela ne suffirait pas. La couture est si mal payée. Mais il faut élever mes enfants et les habiller. Tu as bien en effet de quoi te tourmenter, dit Patience avec gravité. Cependant, ne te laisse pas abattre. Tu te rendras malade. Ce qui ne t'avancera guère. Jane s'assit, les mains jointes sur les genoux, passant en revue tous ses soucis. Si je voyais clair devant moi, j'aurais du courage. Dit-elle en levant sa figure si triste. « Patience, nous devons 6 mois de loyer, sans compter ce que nous coûtera l'ensevelissement. N'as-tu pas de parents qui puissent t'aider dans ces conjonctures ?» Jane secoua la tête. Le seul parent qu'elle eut, son frère Francis, avait à peine assez pour lui-même. « N'as-tu pas de bijoux dont tu puisses disposer ?» continua Patience. « Des montres ou des objets de ce genre ?» Il lui restait la montre de son mari. Mais la pâle figure de Jane rougit à l'idée de s'en séparer de la sorte. Elle avait d'ailleurs été promise depuis longtemps à William. « Je comprends, » dit Patience avec affection. « Je ne suis pas femme à vouloir blesser tes sentiments, mais tes embarras ne te laissent pas d'alternative. » Jane ne le sentait que trop. Elle possédait elle-même quelques bijoux, sans grande valeur et un peu d'argenterie. Il fallait tout vendre, la montre elle-même. « Y aurait-il quelques difficultés à s'en défaire, Patience ?» demanda-t-elle. « Non, pas du tout. Nous avons un monde de piété, » répondit la franche quaqueresse. « Il y a bien des gens qui ne pourraient s'en passer. Je puis même te dire que quelques-uns des notables de la ville y envoient à l'occasion leur argenterie. Tu ne pourras guère y aller toi-même. Mais la mère de ta servante, Elisabeth Cartier, est une femme discrète. Elle te rendra volontiers ce petit service. Comme je te le dis, si tu peux surmonter les difficultés actuelles, l'avenir s'éclaircira. » Surmonter les difficultés actuelles. N'était-ce pas une impossibilité? Jane n'avait presque plus d'argent, elle avait des dettes, et elle ne savait que faire pour nourrir ses 4 enfants. Elle monta une dernière fois dans la chambre où le cercueil attendait. Les funérailles furent simples et tristes à voir. Le bedeau de l'église qui avait daigné venir accompagner le convoi marchait le premier, sans crêpe à son chapeau, puis venait le cercueil recouvert d'un drap noir, William et Frank suivaient. Jane n'avait pas osé envoyer le pauvre petit gars. C'était tout, le bedeau, le cercueil et les 2 enfants. Dans les rues, les passants s'arrêtaient pour regarder les pauvres orphelins. Seul un homme, jeune encore, se rangea de côté, ôta son chapeau et resta tête découverte jusqu'à ce que le convoi se fût éloigné. Il fut enterré dans le cimetière de Saint-Martin. Le ministre officiant était M. Pierson lui-même, qui ne se doutait guère que celui sur lequel il prononçait le service funéraire était son ancien professeur. William entendit son nom, que 2 fois son pauvre père l'avait mentionné dans ses moments d'espoir. À ce souvenir, il fondit en larmes. M. Pierson leva les yeux avec compassion sur le pauvre orphelin. L'enterrement était achevé. Le dernier mot du service avait été prononcé. La première pelée de terre était tombée sur le cercueil. Le clerc ne daigna pas escorter au retour les deux frères. Ils revinrent seuls. Dans la soirée, Jane et ses quatre enfants étaient tous réunis. Les larmes ne coulaient plus. On en avait trop versé depuis quelques jours. « Il faut que je vous parle, mes enfants, » dit Jane en levant la tête et rompant le silence. « Vous êtes bien jeunes, mais vous pouvez cependant me comprendre. Savez-vous, mes chéris, combien notre position est devenue triste ?»« En perdant papa ?» demanda tout bas Jenny. « Oui, oui, en le perdant, » sanglota Jane, « car notre perte est plus grande encore que vous ne le soupçonnez. Mes chers enfants, je ne sais pas ce que nous allons devenir. Nous n'avons pas d'argent, et nous n'avons personne qui puisse nous en donner ou nous en prêter. Personne au monde !» Les enfants se taisaient. Seulement William rapprocha sa chaise de celle de sa mère. Elle avait l'air encore si jeune sous son bonnet de veuve, presque aussi jeune que lorsque, bien des années auparavant, elle avait épousé celui qui, ce jour-là, avait été pour toujours enlevé à sa vue. « Si nous pouvons avoir un abri pour nos têtes, » continua Jane en parlant très bas, par suite de l'effort qu'elle faisait pour vaincre son émotion, « peut-être pourrons-nous lutter, mais vous ne savez pas encore ce que c'est que la lutte. » Nous n'aurons pas toujours à manger, nous aurons souvent faim et froid, et nous aurons à supporter les mépris et les humiliations qui accompagnent l'extrême pauvreté. Je ne sais même pas si nous pourrons rester ici, car dans une semaine ou deux, on nous renverra peut-être. Mais pourquoi donc, maman? Parce que nous devons le loyer, et que je n'ai pas d'argent. J'ai écrit à votre oncle Francis, mais je ne crois pas qu'il puisse m'aider. Il... Pourquoi ne retournons pas vivre à Londres? Interrompit le petit gars. « C'était si joli, et la maison était bien plus belle qu'ici. »« Tu oublies, Gare, que... » Et elle dut s'arrêter un moment. « Que ton cher papa gagnait de l'argent. »« Il ne serait plus là pour nous en donner. »« Patience, m'engage à louer une partie de la maison. »« J'y avais déjà pensé, et je tâcherai de le faire. »« Avec cela, je paierai le loyer. »« Puis j'essaierai de trouver un autre moyen pour avoir à manger. » Les enfants étaient stupéfaits. Les deux aînés, William et Jenny, Jenny surtout. « Pour avoir à manger ?» répétait-il. « Maman, que veux-tu dire ?» Il est bien difficile de faire comprendre ces tristes choses aux enfants élevés dans le confort. Jane soupira et s'expliqua plus au long. « William, acheva-t-elle, la montre de ton pauvre papa devait être à toi, mais je n'aime pas te le dire. Je crains d'être obligé d'en disposer. » La rougeur monta au front de William, mais le brave enfant ne voulut pas laisser voir tout son chagrin à sa mère. Il ne répondit pas et la regarda tendrement. « Il y a une pensée qui m'oppresse plus que toutes les autres, celle de votre éducation. Je ne sais pas comment je pourrais vous la faire continuer, et je regarde l'instruction comme presque aussi importante que la nourriture. Je ne vois rien de bien déterminé devant moi, tout est sombre, et sans un ami, je me désespérerai. De quel ami veux-tu parler, maman? Est-ce de patience? C'est de Dieu. Je sais qu'il protège ceux qui se confient à lui. » Dans mes moments de plus profonde tristesse, quand je songe à ce refuge, un rayon de lumière aussi brillant que cette clarté du rêve de votre cher papa m'éclaire. Mes chers enfants, qui sait, peut-être sont-nous aidés. Qu'est-ce qui nous achètera de nouveaux habits? S'écria Frank en abordant un autre ordre de difficulté. Jane soupira. Dans toutes les épreuves qui nous surviendront, essayons de lutter. Vous ne savez pas encore ce que signifie ce mot. « Vous le saurez bientôt. Vous vous soumettrez, parce que c'est la volonté de Dieu, qui, j'en suis sûr, nous envoie toutes ces afflictions pour notre bien. Nous ne serons pas trop malheureux, si nous pouvons rester ici. Vous m'aiderez, n'est-ce pas ?»« De quelle manière, maman ? » demanda-t-il vivement, comme s'ils eussent voulu déjà commencer. « En quoi pouvons-nous t'aider ? En étant sage et obéissant, en supportant patiemment les privations, en cherchant à retenir ce que vous avez appris, et en vous appliquant soigneusement à vos leçons. Tout cela m'aidera et me consolera. » William pleurait. Il appuya sa tête sur les genoux de sa mère. « Ma bonne, ma maman chérie, » sanglota-t-il, « je ferai tout ce que je pourrai pour toi, je te le promets. »« Prends courage, mon enfant, » murmura-t-elle en le caressant tendrement. « Souviens-toi que ton dernier acte pour ton papa a été un sacrifice d'amour. J'ai bien vu que tu lui avais donné cette orange, que tu aurais eu du plaisir à manger. Mes enfants bien-aimés, luttons tous avec courage pour atteindre cette lointaine lumière et regardons toujours à Dieu. »